Les pastilles eau éthiques sur Fadjet avec Lucas. Et bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Fadjet, et bienvenue pour cette troisième pastille poétique. En avril, dit-on, il ne faut pas se découvrir d'un fil. Et déjà, par quelques semaines, les températures nous ont prouvé que le mercure allait remonter fortement. Déjà là, aujourd'hui, il faisait un temps superbe. Rassurez-vous, chers camarades, l'objectif de cette chronique n'est pas de faire un état des lieux de la météo. Toutefois, on risque bien, et c'est tant mieux, d'aborder quelques soleils et quelques doux rayons d'une lumière assez vivace, qu'on appelle la connaissance, certes bien occultée en ce moment, derrière des nuages noirs d'orage, de médiocrité et de « s'en va-t'en guerre ». J'ai à cœur de vous présenter ce soir, chers auditeurs, un ensemble d'idées qui me passionnent tout à fait. La dernière fois, nous parlions de l'épopée et comment cette dernière et sa lecture semblaient ardemment nécessaires pour se rassembler. Heureux qui, comme Ulysse, disait le poète Dubellay. Et Dubellay, nous allons justement l'aborder entre autres. Et oui, je vous embarque avec moi dans une période qui sera bientôt troublée par des guerres de religion, ça faisait longtemps. Alors rassurez-vous, les médias engagés à informer le saint citoyen sauront mieux que moi vous rabattre les oreilles de ces questions pernicieuses. Et donc je ne me chargerai pas de parler de cela. En revanche, je vais encore une fois tenter de prouver que par le vers, par la rime et par toutes ces choses incandescentes qui animent une vie, on peut tenter de bousculer les choses et de faire entendre sa propre voix. On prend sans attendre son billet pour un horizon lointain, on va briser sans rancune le continuum espace-temps, nom de Zeus. Mais on va d'abord chanter sur un rythme entraînant, mes chers auditeurs. Prenez vos aises, que vous soyez en voiture ou à la maison. Et oui, il est temps, chers auditeurs, de bouger son popotin. Yeah. Les pastilles poétiques sur Fadjet. Mais voilà, Tipakaway, Lévis and the News nous ont fait nous ambiancer. C'était The Power of Love, mes chers auditeurs de Radio Fadjet. Et sans perdre une seconde, retour vers le passé. Nous sommes en 1553. Charles Quint, empereur du Saint-Empire, est battu au siège de Metz. Marie Tudor est sacrée reine d'Angleterre le 1er octobre. Et Jeanne d'Albret, reine de Navarre, vient de donner un nom à son fils Henri de Bourbon, futur Henri IV. En 1553 donc, apparaît sous la plume d'un poète nommé Pierre de Ronsard le terme de Pléiade. Mignonne, allons voir si la rose nous parlera de ce qu'est la Pléiade. Au tout premier fondement, il s'agit d'un amas astronomique d'étoiles, un ratable depuis les deux hémisphères de notre belle planète bleue. Et pourquoi, à votre avis ? Eh bien, parce que l'heure est à la Renaissance, période éclairée face à un âge moyen d'obscurantisme. Et qui dit Renaissance dit nécessairement volonté manifeste de faire reculer l'ignorance. Et très chers auditeurs, prenez l'exact inverse et vous avez une merveilleuse peinture du 21e siècle. Toujours est-il qu'un petit groupe d'auteurs va s'acharner dans une période d'épanouissement littéraire propice à la langue nobiliaire du latin à défendre la langue française. Étrange idée pour nous autres modernes dopés au progressisme de valoriser une langue. Mais c'est pourtant la mission que vont endosser des auteurs comme Ronsard, déjà cité, Jean-Antoine Dubaïf, Pontus de Thiard, Rémi Bellot et puis Joachim du Bellay pour ne citer qu'eux. Le dernier en question va même publier en 1549 ce que l'on considère comme étant le manifeste de ce petit groupe, la défense et illustration de la langue françoise, ou, selon la façon de traduire modernisée, la langue française, hein, évidemment. Précisons un peu, si vous le voulez bien, le contexte de cette œuvre. En 1539, François Ier signe les ordonnances de Villers-Cotterêts, et ce monarque éclairé donne déjà le ton. Le français sera enfin la langue administrative du royaume. Imaginez, oui, imaginez tous ces administratifs qui, cherchant toujours le laissez-passer à 38, devaient en plus s'embrouiller dans de latines déclinaisons. Ah, cela aura passionné les meilleurs ou les plus fous d'entre nous, Rosa, Rosa, Rosam. Du Bellay reste reconnaissant envers François Ier. L'objectif de ce poète est clair. Faire reconnaître le français, langue jugée vulgaire, comme une marque distinctive d'élégance et de beauté. Pour l'auteur, toutes les langues sont enfantées du travail commun des hommes. Et dans cette perspective, il faut au français s'enrichir d'autres dialectes et langues connues. Cyrano aurait pu répondre à un de ces conservateurs qui craignent aujourd'hui l'intrusion d'autres langues dans le français. Avis donc aux badauds qui s'avisent de croire que le si beau français va droit à l'abattoir. Perspective d'enrichissement culturel et linguistique, assurément dans le propos de Du Bellay. Pour autant, il condamne fermement toute forme de traduction et prône un retour au genre ancien de l'Antiquité et une imitation des styles italiens. Ceci s'appelle subrepticement la nuance, terme inconnu au bataillon des belligérants de l'idée qui pensent qu'argumenter avec l'émotion pourra un jour devenir légitime. Nous retrouvons dans un recueil de poésie, notamment amoureuse, l'Olive, quelques belles productions, notamment celle-ci. Déjà la nuit en son parc amassé, un grand troupeau d'étoiles vagabondes, et pour entrer aux cavernes profondes, fuyant le jour, ses noirs chevaux chassés, déjà le ciel aux Indes rougissait, et l'aube encore de ses tresses tant blondes faisait grêler mille perlettes rondes de ses trésors, les prés enrichissaient, quand d'Occident, comme une étoile vive, je vis sortir dessus ta verte rive, ô fleuve mien, une nymphe en riant. Alors, voyant cette nouvelle aurore, le jour honteux d'un double teint colore, et l'angevin et l'indique au riant. Moi, je dis que c'est pas mal du tout. Mais, il est temps de s'offrir une parenthèse en musique, chers amis. Que serions-nous sans musique ? C'était Nietzsche qui le disait. Sans musique, la vie serait une erreur. Un tout autre poète revient, une si belle voix et identifiable, vient nous parler, chers auditeurs, de sa France. Thank you.

en 1830 et même, pour le peu d'affection que j'ai en ce qui les concerne, les surréalistes. Vous retenez, chers auditeurs de Fadjet, l'importance du 30, hein, 1630, 1830, et moi qui m'approche innocemment, timidement des 30, je me dis que contrairement à l'adage qui veut que l'esprit se calme, ce serait bien l'occasion d'une petite révolution de l'esprit, qu'en pensez-vous ? Ces témoignages sont importants car ils montrent que les lettres ont pour parfait synonyme la sororité, du latin soror, la sœur, équivalent souvent oublié injustement de la fraternité, comme si l'on ne pouvait qu'être frère et non pas sœur. Eh bien moi je dis soyons sœurs. La sororité des âmes qui pensent et ressentent, celles qui s'unissent sous bien des drapeaux, mais cultivent ensemble le jardin de Thélème volé à Rabelais. La Pléiade a marqué l'esprit de revendication et d'authentification de la langue française. Derrière, des auteurs comme Ronsard, Dubellé ou Dubaïf prennent encore place l'amour de la langue. Et pourtant, tout a une fin. Fin métaphorique, d'autant plus quand on sait que leur voix rime encore dans le creux de nos livres, mais fin tout de même. En 1560, après un exil en Italie qui verra naître l'un de ses plus beaux recueils de poésie, Les Regrets, Dubellé était de retour à Paris depuis 3 ans. Il meurt d'une apoplexie, il n'avait que 37 ans. Le suivront dans la décennie suivante des auteurs comme Jodel, connu pour son esprit pastoral, et Rémi Bello. La mort les rappela donc autour d'elle et omit de leur préciser que leur œuvre ne mourrait pas de sitôt. Aujourd'hui, que reste-t-il de l'esprit de cette Pléiade, si ce n'est une collection prestigieuse de livres en papier bible ? Eh bien, chers amis, cette criante fraternité, oui, j'insiste, cette fraternité. Ceux de la Pléiade se réunissaient comme il devient impérieux pour nous autres modernes de nous réunir. Les plus dramaturges d'entre eux se réunissaient fort bien à l'occasion de cérémonies d'inspiration théâtrale nommées « Pompe du bouc ». Et c'est de ces scènes théâtrales festives que vient cet esprit de la brigade. Ronsard, écrivait. Je vois d'un œil assez trouble un couple de satyres cornus, chèvres-pieds et mi-bêtes, qui soutiennent de leur tête les ivres côtés de Silène, talonnant à toute peine son âne musard et le guide d'une des mains sans licole et sans bride, et de l'autre à ses oreilles pend 2 bouteilles, et puis il dit qu'on rit et qu'on crie. Le voyez-vous, chers auditeurs, la scène décrite par Ronsard ? Eh bien oui, il profitait de la vie. Il se livrait à quelques folâtries et cet esprit de fête, c'est ce qu'il faut cultiver. C'est ce que je cultive déjà, c'est ce que cultivaient les plus jeunes et ce que cultivent toujours les plus jeunes en se réunissant, en fêtant ensemble le bonheur de se retrouver. Les jeunes, comme les moins jeunes d'ailleurs, même si je crois savoir que ces derniers cuvent moins bien le vin et les excès, Tempus fugit, que voulez-vous ? Alors carpe diem ! Et là-dessus se clôt votre pastille poétique, chers camarades. Lisez donc La Défense, le livre et les regrets de ce bon Dubellé. Inspirez-vous de cette Pléiade et reprenez foi en ce que jeunesse apporte. Quel que soit votre âge, n'oubliez surtout pas, et cela, c'est moi qui vous le dis, que l'on commence à vieillir que lorsqu'on oublie sciemment qu'on a été enfant. Fermez donc quelques télés, soyez sourds aux appels de la faucheuse et profitez chaque jour. Je vous dis au dernier mardi du mois prochain. Prenez surtout bien soin de vous et à très bientôt. Retour de votre pastille poétique sur Fadjet. À retrouver tous les bons plans étudiants de Nancy et ses environs ? Tu cherches à découvrir les associations étudiantes de Nancy et qui font vivre la culture ? Ou tout simplement, tu as envie de débattre autour des sujets de la vie des étudiants ? Eh bien, je connais l'émission.